fait, pas j'oublie tout ça sous la terre. Où y ont toutes ces vanités. Au jour du jugement dernier, nous pas prêts à la paix. Yo, même sous des couches moins malhérées. Nous toutes nous la bouillons sur le cause. Au jour du jugement dernier, n'a pas expliqué. Justice n'a pas des.